Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de la dernière édition en français de ce 27 janvier 2019. Voici les grands titres. 6 ans viennent de s'écouler que le marché central de Bujumbura est parti en fumée. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques déplore la présence des vestiges de ce marché dans cet endroit. Au sud du pays, une famille de la colline Guihuanya dans la ville de Rumonge dit être menacée. À l'origine, le chef du ménage est accusé de sorcellerie. Et 17 enseignants des écoles de la commune Guitaramuka, nous sommes en province car aussi sont sous les verrous. À l'origine, ils sont accusés de la vente du matériel de ces écoles. Voilà pour les titres. Eric Ouimana est à la manette du son. Moïse Misago à la présentation. L'audio, nous vous disons bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Encore une fois, bonsoir. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques se dit indigné par la présence des décombres de l'ancien marché central de Bujumbura parti en fumée bientôt il y a 6 ans. Ces déchets menacent la santé humaine, ajoute cette organisation locale. Gabriel Oufiri, président de l'Olicom, déplore les promesses tenues à l'endroit des commerçants qui n'ont pas été honorées. Il invite le gouvernement burundais à s'impliquer davantage dans la prévention des catastrophes car, dit-il, les fonds alloués à cette activité restent toujours insuffisants. On l'écoute. Je me souviens de cette triste date où les biens et le marché central de Bujumbura a été incendié au vie et aussi de tous les citoyens burundais. Vous le savez que ce marché était un marché sous-régional qui produisait par ailleurs plus de 20% du PIB national. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de mots qui ont été dits autour de cet incendie, mais pour nous, il est vraiment anormal. Un cas comme ça, depuis 2013, 6 ans dira que rien n'a été fait pour que les commerçants qui ont perdu les marchandises n'ont rien eu jusqu'à aujourd'hui. Même le marché de Kotebu, qui a été construit pour un montant de plus de 2,5 milliards, je vous demande d'aller voir ce marché. Vous allez vous-même constater que le gouvernement n'a pas vraiment donné une place de choix des blessures que les commerçants ont eues durant toute cette période. Face à cette situation, nous demandons à ce que les commerçants puissent être consultés pour que les points de vie soient tenus en compte. Nous demandons à ce que les restes des incendies du marché soient ramassés et jetés dans un lieu parce que la santé publique des citoyens burundais est vraiment en danger. Ce n'est pas normal, après 6 ans, les déchets se trouvent toujours là-bas. Et vous savez que ces déchets sont tellement toxiques. Parmi les problèmes que nous avons dans notre pays, c'est le problème qui a rapport avec la prévention. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous venons de consulter le budget général de l'État. Nous avons vu que ce sont des miettes que le gouvernement donne à son service. Mais le gouvernement burundais avait prévu d'y ériger un mall, n'est-ce pas un léger mieux pour les commerçants? Je dois vous redire que depuis que le gouvernement a dit cela, il y a 6 ans, nous attendons toujours. Et 17 enseignants de 2 écoles fondamentales de la colline Kigozi, commune Guitaramuka, en province Karusi, sont au cachot de cette commune depuis 5 jours. Les sources de la police indiquent que ces enseignants ont été arrêtés pour avoir vendu des tôles de ces écoles, mais leurs familles indiquent que les leurs sont en train d'être malmenées, expliquant qu'ils ont vendu 17 tôles d'occasion pour des fins de ces écoles. Ils demandent leur relaxation pour regagner les classes fermées depuis mercredi. Blaise Pascal Kararoumier, correspondance. Les 17 enseignants des écoles fondamentales de la colline Kigozi, commune scolaire de Guitaramuka en province Karusi, ont été arrêtés mercredi matin à ces écoles lorsqu'ils commençaient les cours. Des enseignants comprenant 3 femmes, dont une allaitante d'un nourrisson d'une année, ont été arrêtés avec 2 membres du conseil de gestion de l'école, un homme et une femme, et faisant 19 personnes. Les sources de la police judiciaire indiquent que la question avait été soumise aux autorités scolaires pour trouver une solution le plus tôt possible. Les mêmes sources indiquent que ces enseignants sont accusés par l'administration de vente de 17 tôles d'occasion de ces écoles fondamentales. Leur famille rencontrée au cachot lorsqu'elle amenait à manger à ces derniers ce dimanche confirme la vente de ces 17 tôles d'occasion et explique que ces tôles ont été vendues la veille de leur arrestation dans le but de partager ensemble avec leurs deux nouveaux directeurs après l'activité de remise et reprise. Ils disent qu'ils ont eu 136 000 francs, comme cela est même confirmé par l'ancien directeur aussi rencontré sur place. L'administration leur a demandé un paiement de 100 000 francs chacun, soit une somme de 1 700 000 francs d'amende transactionnelle, une qualification que nous avons lue sur leur bordereau de versement qui a été exécutée ce dimanche. Les familles demandent que l'air soit relaxé le plus tôt possible afin qu'ils regagnent les classes qui sont fermées depuis le mercredi passé. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal Kararoumié. Toujours dans cette province, trois semaines s'écoulent sans goutte d'eau carburant sur les stations de cette province. Cela est confirmé par le personnel sur place qui explique qu'ils éprouvent déjà des problèmes avec les organisations avec lesquelles elles avaient des contrats d'approvisionnement du carburant. C'est ce même manque d'eau carburant que les transporteurs et les commerçants disent en expliquant la montée des prix de tickets de transport et les marchandises. Une famille de la colline Guihuanya dans la ville de Rumonge s'est réfugiée dans le voisinage la nuit de vendredi à samedi. C'est après la démolition de sa maison par des inconnus sur fond de sorcellerie imputable au chef de ménage. Célestin Itanga, administrateur communal de Rumonge, s'insurge contre cette injustice populaire et dit que les enquêtes sont en cours pour identifier et punir les auteurs de cette destruction. Jean-Pierre Misago, correspondance. Naïmana Ismail alias Hatwara et les siens ont fui leur domicile Sizanyangende dans Guihuanya la nuit de vendredi à samedi. Des inconnus venaient en effet de défoncer portes et fenêtres de leur maison à la recherche du chef de ménage accusé de sorcellerie. Selon les voisins de cette famille, le chef de ménage a pu se sauver, laissant sur place sa femme et ses enfants abrité actuellement chez un chef collinaire. Célestin Itanga, administrateur communal de Rumonge, dénonce ces agissements et indique que des enquêtes sont en cours pour arrêter et traduire en justice les auteurs. Malgré ces assurances, la démolition de cette maison sise sur la route menant à Mitondo se poursuivait jusque le soir de ce samedi. Cette fois-ci, des mineurs en jeu avec des jets de pierre sur les tôles et les murs en briques adobe de la petite maison, en l'absence de l'administration locale et sous les complices des adultes. Maître Sylvain Major Sindaïgaya, défenseur des droits des enfants à Rumonge, dit que le recours à des mineurs dans ce genre d'acte est punissable par la loi et les parents de ces enfants devraient être interpellés. Ceci intervient en moins de deux semaines que le gouverneur de Rumonge, accompagné des responsables des forces de l'ordre, avait effectué une descente à Mourengue dans Burambi sur un cas similaire où il avait promis des sanctions exemplaires aux coupables. Jean-Pierre Misago, Tonyangende, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Des blocs sanitaires publics construits en ville de Muyinga, nous sommes au nord-est du pays, restent fermés deux ans après les travaux de construction. Le conseil économique du gouverneur de Muyinga annonce que ces infrastructures n'ont pas encore été remises à l'administration. Des contacts visant à régler ce problème sont en cours entre l'administration et la société Régie des Eaux, maître d'ouvrage sur financement du Fonds africain de développement FAD et le gouvernement burundais. Dieudonné Zeymana, correspondance. Sur une douzaine de blocs sanitaires construits en ville de Muyinga, des blocs de stade Umucho sont opérationnels. À d'autres endroits, les portes restent fermées. Les indications sur les pancartes montrent que les travaux de construction ont pris fin en 2016. Depuis, aucune communication sur le pourquoi de la non-exploitation de ces infrastructures érigées en vue d'améliorer l'hygiène dans la ville. Jumaïne Baden, des conseillers économiques et du gouverneur de la province de Muyinga, un des administratifs qui ont suivi de près l'exécution des travaux dans un projet d'eau, hygiène et assainissement, précise que jusqu'aujourd'hui, les infrastructures n'ont pas encore été remises à l'administration communale qui devra en assurer le suivi, le maître de l'ouvrage et la régie des eaux. Y a-t-il un blocage? Procédera-t-on à la réception définitive des infrastructures sans les avoir exploitées provisoirement pour détecter d'éventuelles retouches à faire? Le conseiller du gouverneur signale juste que les institutions habilitées sont en concertation pour faire respecter les procédures dans l'intérêt du public et conformément aux objectifs énoncés dans le projet d'assainissement, projet exécuté dans des pays d'Afrique orientale, un projet dénommé Lake Victoria Water Supply and Sanitation en anglais. Domuyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. Kito Muyinga vers Bubanza où deux enfants sont morts la semaine dernière à Murengeza, en commune Manda de cette province suite au paludisme qui n'a pas été soigné. Ces enfants ont été conduits dans une chambre de prière, ce que déplore le gouverneur de cette province de Bubanza ainsi que le médecin directeur provincial dans la même province. Joël Bigrimana demande à la population de se diriger dans les établissements sanitaires chaque fois qu'elle se sent malade, ignore les chambres de prière. Spescartas Kabanyan. Ces deux enfants sont morts quelques heures après l'arrivée au centre de santé de Murengeza dans la commune de Manda, selon les témoins sur place. C'était la semaine dernière. Le médecin directeur de la province sanitaire de Bubanza explique qu'après enquête, elle a constaté que ses enfants souffraient du paludisme, mais ils ont passé à peu près une semaine dans des chambres de prière et sont arrivés au centre de santé très tardivement, comme elle le dit. Docteur Joël Bigirimana déplore le comportement de certaines personnes qui se confient d'abord aux chambres de prière quand elles sont malades, au lieu de se diriger vers des structures de soins reconnues, surtout en cette période où la malaria fait parler d'elle dans cette province, comme elle le précise. Lors des réunions ordinaires envers la population, les responsables sanitaires et administratifs ne cessent de rappeler que les malades doivent nécessairement se faire soigner dans des établissements sanitaires au lieu de se diriger vers des chambres de prière. Le gouverneur de cette province de Bubanza, lui aussi, a toujours recommandé aux administratifs à la base de suivre de près l'implantation et les activités des églises et des chambres de prière. Le chef de colline Murengeza, dans la commune de Manda, nous a appris ce dimanche qu'il a déjà suspendu les activités de certaines chambres de prière car non conformes à la loi. Spescaritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spescaritas Kabanyana. Et avant de boucler cette édition, le rappel des titres. Le 27 janvier 2013 et 27 janvier 2019, exactement 6 ans viennent de s'écouler que le marché central de Bujumbura est parti en fumée. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques déplore la présence des vestiges de ce marché dans cet endroit. Au sud du pays, vous l'avez entendu, une famille dit être menacée suite à l'accusation contre le chef de ménage. Et à Guitaramouka, nous sommes en province Karoussi, 17 enseignants de cette commune sont sous les verrous. Ils sont accusés de vendre les 17 tôles de deux écoles fondamentales dans cette commune. Et voilà, chers auditeurs, à 6h13 que nous arrivons à bon port. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Je dis merci à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique. Je dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Gardez l'écoute de la radio Isanganiro.